quatrième et dernier temps de notre série consacrée au 19e siècle. Aujourd'hui, l'objet et la matière du 19e siècle. Le 19e siècle apparaît aujourd'hui comme celui qui a vu se développer une culture matérielle inédite mélangeant objets d'art et objets de l'industrie exposés dans les grands halls modernes des expositions universelles. Ces objets ont fourni les décors bourgeois, bien sûr, peuplant par exemple les collections de bibelots, mais aussi les mots des contemporains qui les ont placés en masse dans leurs romans. Balzac, Flaubert, Zola, Huysmans ont utilisé les objets à la fois comme révélateurs de la psychologie des personnages et comme acteurs de leurs récits. Nous cheminerons donc entre réalité et tangible et imaginaire romanesque des objets, avec Anaïs Quien qui coanime cette émission avec moi, et nos trois invités, François Jarige, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, auteur avec Thomas Leroux au seuil d'un livre qui vient tout juste de sortir, La contamination du monde. Martha Carayon, elle est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, elle est auteur entre autres d'un livre sur la querelle de 1855, elle nous expliquera ce dont il s'agit, les philosophes de la vapeur et les allumettes chimiques chez Drault. Emmanuel Charpie est maître de conférence à l'université de Lille 3, et vous êtes tous deux, Manuel Charpie et François Jarige, des auteurs d'articles dans Le Monde au 19e siècle qui vient de paraître chez Fayard. Mais nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, nous vous proposons un nouvel épisode de notre feuilleton, la fabrique de l'histoire scolaire qui se propose d'entrer dans les lieux d'enseignement de l'histoire aujourd'hui en France par Séverine Yattard et Séverine Cassard. Charlemagne, fils de Pépin le Bref, 768-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Des dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Des dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Les enseignants du secondaire ont la possibilité de participer à des journées de formation proposées par leur rectorat au cours de l'année scolaire. Ils sont aujourd'hui une trentaine avec des attentes multiples. Bonjour, donc je commence par me présenter. Isabelle Lespinet-Moret, je suis enseignante maintenant à Paris 1. Je suis sur la chaire d'histoire des politiques sociales, des mobilisations et du travail. J'ai enseigné pendant très longtemps à Nanterre auparavant. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est que j'avais proposé ce stage à un moment donné où il y avait une grosse polémique sur le genre, avec ce slogan, cet épouvantail qui était la théorie du genre. Et face à cette polémique qui enflait et qui laissait certains collègues un peu désarmés, j'avais proposé un stage de formation ouvert à tous les enseignants, pas seulement d'histoire d'ailleurs, sur l'histoire des femmes et l'histoire du genre. Alors, on va commencer par un petit tour de table. Donc, je vous demande de vous présenter et puis cette première réaction par rapport au genre. Gwenaëlle Delepeau, je suis professeure de lettres histoire donc en lycée professionnel et j'enseigne au lycée Florian à Sceaux. Donc en lycée pro, on a en première bac pro une séance sur l'histoire des femmes de la belle époque à nos jours. Et en lycée professionnel aussi, on a souvent des sections qui sont quasiment essentiellement féminines ou essentiellement masculines. Du coup, ça interpelle forcément sur ce genre et les élèves ont des propos parfois très normé, on va dire, sur la place des hommes et des femmes dans la société. Alors moi, je suis Anne Descazal, je suis au lycée du Vésinet. Je suis professeure de physique. Oui. De physique. Alors, en fait, moi, je ne suis pas vraiment confrontée à des problèmes, en tout cas actuellement. Mais moi, ce que j'ai constaté quand même au fur et à mesure de ma carrière, il y a plusieurs années, pour arriver à faire envoyer des élèves qui étaient plutôt, disons, qui avaient manifestement des capacités scientifiques en S, les filles avaient plus de réticence. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Cela dit, en S, on a toujours plus de garçons que de filles. Et moi, je me souviens, quand j'ai fait mes études, donc il y a quand même longtemps, j'étais dans un amphi de physique où il y avait très peu de filles. Bon, moi, ça m'a toujours interpellée. De toute façon, je trouve ça absolument pas normal. Il n'y a rien dans le cerveau qui fait qu'on ne peut pas faire des sciences. Donc, c'est pour ça que je suis là, parce que ça m'intéresse d'en savoir plus au niveau, justement, historique, parce que je n'ai pas cette formation du tout, bien sûr. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Thomas Savidan. Je suis professeur d'histoire en REP+, à Garges-lès-Gonesse. J'ai pas eu de soucis sur la théorie du genre parce que personne n'était, enfin, aucun des parents ou des élèves n'était au courant. Donc il y a pas eu, ils ont pas participé aux manifestations, il y a rien eu du tout. Par contre, comme l'a dit la dame, c'est plutôt sur les stéréotypes du genre. Pas les stéréotypes, mais la place des femmes est intégrée dans le programme à plusieurs niveaux. Et donc je voudrais essayer de trouver des exemples féminins à toutes les périodes pour montrer que la femme apparaît pas au 19e avec la lutte sur le vote. Bonjour, moi c'est Nathalie Cloître, j'enseigne au collège Vanda-Landowska à Saint-Leu-la-Forêt, en histoire géo. Et moi je venais alors déjà pour parfaire un petit peu ma culture sur la question et voir comment je peux le caser dans nos programmes qui sont déjà très lourds. Et j'ai le souvenir d'une inspectrice qui nous demandait de présenter comme exemple des philosophes des Lumières une femme plutôt qu'un homme. Émilie du Châtelet, par exemple, et ça me paraît toujours un peu compliqué de développer sur Émilie du Châtelet devant des élèves qui ne connaissent pas Voltaire. Et donc, voilà, je viens pour écouter, pour moi-même me convaincre de la situation. Voilà. Bonjour, moi c'est Chloé Dupérin, j'enseigne l'histoire-géographie au lycée Évariste-Galois à Sartrouville. Et donc, comme la plupart de mes collègues d'histoire-géographie, ce que je suis venue chercher, c'est plutôt des billes pour l'EMC. Mais aussi en première S, on a un chapitre sur la République face à ses contradictions et notamment la place des femmes dans la République, que je suis en train de faire maintenant. Fin de l'année, c'est pas forcément le meilleur moment et on n'a pas effectivement toutes les billes quoi, pour transmettre aux élèves. Donc je suis venue chercher aussi plus de choses pour moi d'abord avant de pouvoir leur en transmettre plus. Alors Myriam Gianni, je suis TZR sur deux établissements, un à Suresnes et un à Saint-Cloud. Donc je suis professeure d'SVT. Et donc nous, dans le cadre de la reproduction humaine et de la contraception, on est confrontés aux stéréotypes et aux idées extrêmement normées des élèves. Et donc je travaille déjà sur l'histoire de la contraception avec les élèves. Et cette année, dans le cadre d'un EPI, on travaillait sur les stéréotypes et la place des femmes. Donc on a étudié l'histoire du droit des femmes, alors en partant d'Oulem de Gouges, et on a terminé sur Star Wars, le dernier Star Wars, et le fait que le film était... On nous le vendait comme étant une héroïne féminine, et en fait, elle a que 17% des répliques. Et donc, voilà. Donc on travaille beaucoup sur ça, donc c'est pour ça que ça m'intéressait, pour avoir de quoi répondre de manière peut-être plus efficace aux élèves dans le cadre de ces cours-là. Elle l'entraîna devant un marchand de bric-à-brac où l'on vendait des chiffons et des os, où s'entassaient des chenets rongés de rouille, des lampes bossuées, des coquillages poussiéreux, des chlysopompes, veufs de leurs tuyaux et de leurs becs, des croix de la Légion d'honneur, des peaux de lapin, des boîtes à thé, des hausses cols, des lèches-frites, des bottes, des jumelles sans verre, des mouchettes, des vases de fleurs artificielles couronnés d'un globe sale avec chenilles rouges en bas. Ouverture de cette émission à partir d'un texte de Huysmans, les sœurs Vatard, mais également d'un morceau de Jean-Baptiste Saint-Gelais, un des amis d'Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone, une des inventions, des objets du 19e siècle, joué par les Sax Players. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour. Bonjour à vous Martha Carayon. Bonjour. Merci d'être ici. Bonjour François Jarige. Bonjour. Et bonjour Manuel Charpie, autour de cette question des objets du 19e siècle. Alors Martha Carayon, vous mettez en ouverture d'un de vos articles justement ce texte des Sœurs Vatard de Joris Carl Huysmans, donc, qui fait des descriptions d'un lieu de bric-à-brac, une description tout compte fait assez classique dans la littérature du 19e siècle, dites-vous. Alors oui, une description classique. Les Sœurs Vatard, c'est pas le premier exemple qui vient à l'esprit quand il s'agit de penser bric-à-brac en littérature, mais c'est une scène topique de la littérature à partir de La peau de chagrin en 1831, donc La peau de chagrin de Balzac, avec cette description du magasin d'antiquaires qui est un lieu magique. En passant par Gautier, Le pied de momie, on peut filer ça à travers le siècle et on ira jusqu'à L'amour fou de Breton, qui finalement va théoriser et proposer une théorie de la trouvaille. C'est aussi une scène topique dans le sens où la littérature investit beaucoup dans ce type d'objets qui sont des objets peut-être qui ont été des objets de série et qu'il s'agit de sortir de leur sérialité qui là pour le coup ont été abandonnés. Parce qu'ils sont ébréchés, parce qu'ils sont cassés, parce qu'ils sont en mauvais état, parce qu'ils sont sales. Ils sont abandonnés. Ils sont défonctionnalisés et il s'agit en littérature de leur retrouver une autre fonction qui sera la fonction essentielle pour le personnage qui les découvre. Alors ces objets, vous les trouvez, vous, un peu plus tôt dans le siècle, Manuel Charpie, en majesté, là où dans ce bric-à-brac, ils sont exposés dans un sale état, pourrait-on dire. Vous, ce sont ces bibelots dont vous parlez dans un des articles de l'Histoire du Monde au XIXe siècle paru chez Fayard. Oui, et dans un sens, avant de rentrer dans la littérature, en quelque sorte, c'est des objets très bavards déjà. Enfin, donc c'est la littérature du 19e siècle parle sur des objets qui déjà eux-mêmes parlent. Ils parlent de quoi ces objets ? Alors, ils racontent tout un tas d'histoires. Il y a une histoire, on va dire, très présente qui est celle du passé, pour le coup, l'histoire. Enfin, avec tout l'objet d'antiquité, mais tous ces objets qui citent des styles du passé. Et puis, il y a effectivement le bibelot souvenir qui va se développer au milieu du 19e siècle pour les touristes. Il y a un désir d'ailleurs, d'un ailleurs temporel, alors, quand on cherche parmi ces objets anciens, qu'ils soient réellement anciens ou factices. Et vous expliquez bien aussi la profusion de ces objets qui désignent le reste du monde, de ces objets qui évoquent l'exotisme, qui évoquent le dépaysement, qui pourraient témoigner d'un voyage qu'on ne fera jamais. Alors, effectivement, le bibelot, en plus, s'insère dans une sorte de système d'objets où il y a déjà quantité d'objets importés des quatre coins du monde. Mais le bibelot est un espèce de résumé à la fois du goût du passé et du goût de l'ailleurs. Qui doit raconter en quelque sorte un voyage et qui est toujours un espèce de truc composite. Je dis truc parce que c'est un peu la forme de l'objet. On aurait pu dire chose. Ou chose. mais truc, le terme est très utilisé au 19e siècle. Où souvent, donc, on a un texte ou une image posée sur un objet. Cet objet est fait avec une matière locale, souvent. Voilà, je sais pas, si vous allez en Italie, vous avez des sapins des Dolomites, si vous allez, voilà. Donc, une matière extraite localement et on a l'idée qu'on emmène un morceau du pays, du territoire. Et puis, en général, c'est censé être produit par des techniques et un artisanat, des artisans locaux aussi. Donc, voilà, vous allez sur les plages du Nord et c'est censément les pêcheurs qui ont gravé des coquillages que vous ramenez, voilà. Et donc, même si ce n'est pas un pêcheur, on mime le geste du pêcheur gravant. Donc, il faut que cette gravure ne soit pas tout à fait parfaite. Voilà, évidemment. Donc, on le devine très vite. C'est une industrie du bibelot qui se met en place. Quantité de bibelots sont produits dans des centres industriels, puis dispersés dans les lieux touristiques. François Jarige, l'industrie, c'est aussi effectivement au cœur de ce 19e siècle et vous y travaillez très régulièrement, en travaillant sur la question de la technique, de son histoire et de son évolution, des résistances aussi à la technique et à la mécanisation. Et là, récemment, de la question des pollutions, en particulier avec Thomas Leroux, dans un livre qui vient tout juste de sortir. L'industrie est au cœur de ce 19e siècle et tente parfois à remplacer l'art qui était plutôt en avant du 18e et du début du 19e siècle. Oui, enfin, le 19e siècle est le grand siècle de l'industrialisation et cette industrialisation va remodeler évidemment ce système des objets, leurs conditions de production. Mais peut-être que si je peux me permettre, je dirais bien un mot d'abord de façon plus générale sur la matière et les objets au XIXe siècle, parce que c'est vraiment un siècle fondamental pour cette question, parce qu'évidemment le rapport aux objets et le rapport à la matière changent de façon très profonde, de façon structurelle, liée notamment à ces nouvelles conditions de production liées à l'industrie. Mais on peut souligner que c'est quelque chose de plus large. Hein. Depuis une vingtaine d'années, on observe dans les sciences sociales, certains parlent aux États-Unis de « material turn », pour désigner ce tournant, puisqu'il y a des tournants. Et ça, ça me paraît un point très important. C'est-à-dire, il y a effectivement une sorte de tentative de rematérialisation de l'histoire du XIXe siècle qui prend plusieurs formes et qui, à mon avis, est une réaction en partie au linguistic turn et au tournant culturel des années 80 et aussi une des conséquences... Alors, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs ce qu'était le... Linguistic turn, c'était toute une série d'approches à partir des années 80 qui visaient à repenser le politique à partir d'une attention plus grande au langage, notamment. Bon. Et lié aussi à un deuxième phénomène qui est la montée de l'histoire environnementale. L'histoire environnementale est fondamentalement une histoire matérialiste. C'est-à-dire elle essaye de comprendre les processus matériels, parce qu'en fait, les flux de matière qui structurent la société. Or, toute société est structurée par un flux de matière. Vous parlez par exemple du charbon dans l'histoire du monde au 19e siècle. Le charbon est une illustration particulière, fascinante, puisque le charbon a été inventé bien avant, a été utilisé bien avant. Ce qui se passe au 19e siècle, c'est que ça change considérablement d'échelle. Le charbon devient à la fois un élément central dans l'imaginaire du 19e siècle, il le résume, il le symbolise, mais aussi un élément fondamental dans le nouveau système énergétique et le nouveau système métabolique qui permet le fonctionnement de la société. Et dans le paysage. Et alors, bien sûr, dans les paysages aussi, mais ça rejoint cette question de l'imaginaire, puisque le paysage typique du 19e siècle, c'est une cheminée d'usine dans une grande ville industrielle. Même si, en réalité, jusque dans les années 70-80, c'est une toute petite exception, ce type de grande ville industrielle marquée... 1870-1880. Mais comme c'est une émission sur le 19e, on peut passer la première. En fait, c'est une petite exception. Et là, c'est toute la question de savoir, non, le charbon fascine, et en même temps, en fait, jusque dans les années 1870, ça reste une toute petite exception. On continue beaucoup plus de déplacer des objets via les bras ou via les animaux qu'avec des locomotives à vapeur, par exemple. Ça... Mais voilà, donc, mais première réponse. Vous racontez aussi dans votre contribution à l'histoire mondiale du 19e, à quel point cela conditionne aussi en partie l'habitat de ceux qui travaillent le charbon. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des cités entières avec les services nécessaires à la vie des familles. Voilà, on est à la fois dans une modification du paysage progressif, certes, mais réel, une modification de l'habitat, une modification d'un décor, et puis l'invention de toute une culture autour du charbon. Tout à fait, on pourrait faire l'émission entière sur le charbon, mais c'est pas... Parce que le charbon, c'est évidemment... Vous avez un peu de temps quand même. C'est un produit fascinant. Alors, on peut s'intéresser à la consommation du charbon, aux conditions de production du charbon, aux questions du transport du charbon, et chacune de ces trois questions est très intéressante. Et de ce que le charbon rend possible. Alors évidemment, de ce que le charbon rend possible en termes d'efficacité énergétique, de rendement accru par le perfectionnement des moteurs comme la machine à vapeur, qui devient en fait le convertisseur énergétique fondé sur le charbon, qui transforme complètement la société du 19e siècle, qui devient un de ces objets fétiches du 19e siècle, même si son usage, dès 1827, Stendhal disait « la machine à vapeur est la nouvelle reine du monde ». En réalité, il y en a quelques centaines seulement en France quand il dit ça. Ça n'existe pas dans les pratiques, mais ça a déjà colonisé les imaginaires. Donc je réponds pas à la question sur les mineurs, mais évidemment, le charbon va imposer une concentration des lieux de production, ce qu'on appelle les bassins miniers, qui vont considérablement remodeler les modes de vie, les modes d'organisation du travail, mais aussi l'habitat, mais aussi les formes de rapports sociaux avec l'émergence du paternalisme. Et de toute façon, il y a des lieux aussi qui synthétisent, Martha Karajan, cette admiration pour cette modernité en l'occurrence, ou au contraire, qui montre qu'il y a des gens qui la repoussent, cette modernité. Ce sont par exemple les expositions universelles sur lesquelles vous avez travaillé, justement dans la façon dont elles ont été présentées, ces expositions universelles, par les écrivains, par les artistes, avec ce changement, pourrait-on dire, de régime où on voit, dès 1855, les gens se pressaient plus dans le hall des machines de l'exposition universelle de Paris que du côté du salon d'art, qui était pourtant le lieu que l'on fréquentait lorsqu'on était un visiteur habituellement. Et donc, cela trouble considérablement l'imaginaire de l'époque, avec certains qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cette époque ?» Et les frères Goncourt en font partie à propos d'une autre exposition universelle, celle de 1867. Qu'est-ce que c'est que cette époque qui préfère une machine à un artiste, à un travail d'artiste, qui préfère le multiple à l'unique ? Oui, en effet, les frères Goncourt, c'est au sujet de l'exposition universelle de 1867, disent les pots de chambre à couvert, les statues à l'air, en un mot, la fédération de la matière, qui résume en fait tout ce débat, qui est un débat qui, à un moment traumatique en 1855, avec l'exposition universelle de 1855, au moment où le salon de peinture se tient en même temps que l'exposition universelle et où le public déserte le salon de peinture, en tout cas les artistes et les écrivains le ressentent ainsi, et par contre se précipite dans la galerie des machines, qui est un espace d'environ 1200 mètres de longueur sur 29 mètres de large, avec des machines à vapeur d'un côté et de l'autre, et on met en marche ces machines de manière conjointe, et c'est perçu comme une sorte de passage magique de l'inanimé à l'animé. Alors à partir de là, les écrivains, et commence une polémique à ce moment-là qui est lancée par la Revue de Paris et par Maxime Ducamp avec un livre qui s'intitule Les Chants modernes, qui sont des poèmes industriels assez mauvais, mais précédés d'une longue préface qui est une sorte de préface polémique, une sorte de préface contre la préface à Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier, qui est le manifeste de l'art pour l'art et qui date de 1835, et où Maxime Ducamp propose une régénération de la littérature, qui est une littérature perçue comme sclérosée, comme fossilisée par les sciences et par l'industrie. Oui, parce que Théophile Gautier, dans cette préface, disait « Il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est laid ». Effectivement, l'attaque de Maxime Ducamp, grand ami de Flaubert, c'est de dire qu'au contraire, ce multiple, ça peut être beau, en l'occurrence Martha Carayon. Oui, on commence à percevoir une esthétique des machines, une esthétique de ce monde industriel, et on l'aperçoit à la fois comme une menace et comme une source de fascination énorme et une possibilité de renouveau pour la littérature. Anaïs Kien. Manuel Charpie, il y a une sublimation de ces objets qui disent le progrès, mais en même temps, on ne note pas vraiment de rejet du vieux. C'est-à-dire que le 19e siècle, c'est à la fois l'invention du caoutchouc et le royaume de la fripe. Fripe qui va s'organiser à l'échelle mondiale, d'ailleurs. Oui, alors oui, il y a effectivement les deux marches de conserve. Et d'ailleurs, enfin, ce qui est frappant, moi, je trouve, quand on travaille sur les objets du 19e siècle, c'est l'espèce de transmutation permanente des matières. Comme on dit, le frégolisme, c'est en gros les matières qui se travestissent. Le Frégoli était un des grands transformistes du 19e siècle. On a quantité de matières anciennes qui sont recyclées en matières nouvelles pour des nouveaux usages, des nouveaux emplois industriels. Alors je vais pas les lister, mais on a évoqué en début d'émission les eaux, les chiffons, les voilà, enfin tout ça est en permanence recyclé, transformé. Donc oui, il y a une sorte de permanence comme ça du retour de l'ancien, et puis en même temps effectivement le goût des antiquités, tous les objets passés. Et ce qu'on disait aussi juste avant, qui me paraît important sur cette histoire des imaginaires et des matières, c'est aussi toute la question de la vulgarité de ces nouvelles matières. C'est très, enfin, Martha Carayon l'a évoqué pour l'exposition de 1855. Les usages sociaux de ces matières vont aussi déterminer leur réception, la manière dont on se passionne pour ces nouvelles matières et on les rejette. Donnez-nous un exemple peut-être. Ouais, je vais prendre. Il y en a deux. On pourrait prendre l'aluminium. Ça pourrait être assez intéressant parce qu'en gros c'est une matière hyper noble, enfin qui vaut plus cher que de l'argent pour dire les choses rapidement à ses débuts et qui très rapidement se démocratise et devient plutôt en gros la matière du religieux parce que en gros le pape autorise l'aluminium à entrer dans le rite catholique. Et donc on va trouver des morceaux aussi une période où il faut que le pape autorise des matières, il y a quand même un texte qui évoque ça, et du coup on va avoir de l'aluminium dans tous les cimetières, des fausses fleurs en aluminium, etc., une espèce de métal éternel qui va le rendre complètement caduque. Et l'autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est le caoutchouc. Je fais court, 1855, on a des robes élégantes de villégiature en caoutchouc. Ça doit tenir un petit peu chaud, peut-être. Oui, mais voilà, on est sur la conquête des plages normandes et donc on a voilà l'idée d'une matière relativement élégante, enfin en tout cas qu'on peut porter comme ça. Et puis on va dire qu'une trentaine d'années plus tard, c'est devenu une matière vulgaire, trop utile pour être montrée, trop fonctionnelle, et qu'on cache. Et elle devient d'autant plus vulgaire qu'entre-temps, elle est devenue la matière de la sexualité notamment, puisque c'est la matière qui va servir à fabriquer des préservatifs, des bidets, des voilà. C'est juste pour dire que toutes ces matières sont aussi à penser en lien avec des pratiques sociales et des jeux de distinction. Et surtout une évolution rapide aussi de leur usage. Voilà. Oui. François Jarige. Oui, alors peut-être je voulais juste rebondir rapidement sur l'aluminium, parce que c'est vrai que l'aluminium se démocratise, mais quand même c'est surtout un matériau du XXe siècle. Avant 1914, les usages restent encore très limités, la production reste très limitée, ça explose surtout à l'occasion de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, où là il y a une sorte de réennoblissement de l'aluminium, sous l'effet notamment de la guerre, puisque l'aluminium devient le matériau qui permet de voler. De l'aviation. Bon, et puis après, il va y avoir toute une série de... Il faut dire que l'aluminium va être pris dans une série de discours de propagande aussi pour trouver de nouveaux usages, pour justifier l'utilisation de ce matériau. Mais donc c'est vrai qu'il y a des jeux très intéressants là de rejet, de construction du rejet, de construction de l'acceptation ou de l'intérêt pour le produit, sachant que tout cela n'est pas uniquement lié à des questions d'usage. Parce qu'évidemment, il y a toujours, quand on parle de la matière ou des objets, une sorte de tension, pas de tension, mais de manière de penser les choses. C'est-à-dire, soit on le pense à travers la diversité infinie des usages. Chaque objet, chaque matière fait l'objet d'appropriations multiples par toute une série de sociétés, de groupes sociaux. Et là, on peut montrer, grâce à un objet, la diversité des savoir-faire, des formes de réinvention, des pratiques populaires, y compris. Et on peut penser cette matière et cet objet d'une autre manière, à partir de ces conditions de production et des rapports dissymétriques qu'elle instaure dans le monde. Et l'aluminium est un exemple parfait. On parlait des pollutions. Les usines d'aluminium qui vont être poussées par le développement d'hydroélectricité à la fin du 19e siècle vont devenir des lieux de pollution massifs au 20e siècle et terrifiants. Que ce soit dans la vallée de la Maurienne ou dans toutes les grandes vallées. Donc, parallèlement aux contestations des conditions de production de ce matériau vont apparaître, par les grosses entreprises qui vont contrôler la production et la diffusion de l'aluminium, va apparaître tout un discours de propagande, donc moi j'appellerais ça comme ça, dans les événements sur les arts décoratifs dans l'entre-deux-guerres, il y a clairement une volonté de diffuser l'aluminium pour toute une série d'usages où les utilisateurs n'avaient pas forcément besoin ou envie pour construire des marchés, en fait. Donc je voulais juste réintroduire cette dimension de... Mais évidemment, les industriels ne sont jamais loin, et d'ailleurs, cette question, Martha Carayon l'évoque dans un de ses articles, de la liaison entre la bourgeoisie et l'industrie, effectivement, conduit à ce que Martha Carayon appelle le triomphe des objets, et elle dit entre parenthèses, Marx dirait le triomphe de la marchandise. Alors parmi justement cette prolifération d'objets, il y a les objets anciens, ou les faux objets anciens, sur lesquels vous avez travaillé, Manuel Charpie, ces objets qui sont fabriqués pour faire plaisir à une nouvelle population de bourgeois qui veulent doter son appartement d'ancienneté. Et il y a par exemple les armures, le roi Carotte, fin du premier acte, le cœur des armures par Offenbach et Victorien Sardou. Thank you. Le cœur des armures, tiré de l'œuvre de Offenbach et Victorien Sardou, qui a été créé, une féerie créée en 1872, Le Roi Carotte, qui a été récemment remonté à l'Opéra de Lyon par Laurent Pelli, avec l'Orchestre de Lyon, dirigé par Victor Aviat. Alors c'est vrai que ces armures, elles peuplent les décors bourgeois, et c'est intéressant parce que dans Le Roi Carotte, eh bien, le prince se sépare auprès d'un escroc de sa collection d'armures pour qu'elle soit revendue, ce qui est aussi le cas dans beaucoup de familles entre aristocratie et bourgeoisie du 19e siècle, en l'occurrence. Alors, effectivement, on évoquait la transformation de la matière. On a tout un tas de circuits qui se mettent en place, qui voient passer une sorte de flux d'objets anciens qui sont remis au goût du jour, transformés, voilà. Et le circuit notamment de la fripe est très impressionnant parce que ça passe à la fois par des travailleurs chinois, par l'Allemagne, tout en passant par le Maghreb et en repassant par l'Europe de l'Ouest. On a un circuit comme ça qui se mondialise au XIXe siècle qui est tout à fait étonnant. Quand alors même. Effectivement, oui. Si on parle de la fripe, alors qui est un bon, qui n'est pas la même chose que le commerce des armures, puisqu'on est plutôt sur des objets d'antiquité. Disons le commerce des vieilleries. Voilà. Quelle que soit leur valeur. Alors, mais pour le coup, il y a des circuits qui distinguent justement le vieux qui s'est abîmé et le vieux qui a pris de la valeur avec le temps. Pour la fripe, effectivement, c'est très frappant de voir l'échelle mondiale, puisque c'est ce qu'on a essayé d'observer dans cet ouvrage sur l'histoire du monde au 19e siècle. Il y a en fait, je suis parti d'un fait qui est le choléra et qui me permet de pister très bien toute la circulation des fripes, parce qu'en fait, au moment du choléra en 32, puis des crises colériques successives, on va fermer l'entrée des fripes, puisqu'il y a l'idée que les fripes transportent avec elles les miasmes. Et donc, effectivement, on voit que des vêtements font plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Ça peut venir de Sardes, être trié à Paris, passer par l'Angleterre, repartir vers le Maghreb, puis finir au Congo. Donc on a effectivement des échelles et des circuits très très différents. Martha Carayonne, vous pointez du doigt dans vos travaux justement sur la présence des objets dans les textes du 19e siècle, en particulier le fait que il y a des personnages qui sont des collectionneurs compulsifs ou des gens qui veulent s'approprier les objets. Et ces personnages sont fréquents dans la littérature du 19e. Il y a Nana, évidemment. Il y a aussi le cousin Ponce chez Balzac. Ou encore, il y a des Essaintes, évidemment, dans le À rebours de Huysmans, qui sont tous des collectionneurs d'objets qui remplissent et qui finissent par même étouffer leur propre propriétaire. Oui, je pense que c'est important de mettre en lien ces personnages parce qu'on les a séparés dans l'histoire littéraire par les mouvements littéraires différents, mais en même temps, on a un mécanisme en fait à partir de Balzac, de création de fiction d'objets qui sont des fictions d'accumulation d'objets, que ça soit des objets de collection avec le cousin Ponce qui est, et Balzac le dit à la fin du roman, plus l'histoire de la collection de Ponce que l'histoire du personnage lui-même. Il parle de l'héroïne de l'histoire qui est la collection, mais aussi des Essaintes dans À rebours qui est l'histoire d'une fabrication d'un univers intérieur parfaitement unique et singulier en opposition à la grande société consommatrice et productrice d'objets en série, mais qui est finalement le volet parallèle à une autre déviance qui est la déviance consommatrice que Zola va décrire dans Au bonheur des dames, où il fait en même temps un portrait et une théorie de la consommation. Et toutes ces fictions d'objets qui établissent des relations, qui sont toujours des relations déviantes entre les sujets et les objets, sont alimentées aussi par un processus descriptif de la part des écrivains, qui sont des collectionneurs de mots. Et on a condamné ultérieurement, même au 19e siècle, mais par exemple les nouveaux romanciers condamnent cette tyrannie descriptive du roman balzacien qui accumule les objets et qui les décrit. Oui, c'est ce que déteste en particulier Alain Robbe-Grillé quand il critique justement ce roman du 19e siècle, Anaïs Quin. Oui, on entend bien cet étonnement aussi face à ce nouveau désir de posséder des objets, mais est-ce qu'on le repère dans toutes les classes sociales? Alors, on a parlé des intérieurs bourgeois et de ce décor qui s'invente au 19e siècle, mais peut-être François Jarry, vous qui avez travaillé notamment sur la question du charbon et sur les travailleurs du charbon, est-ce qu'on note cette avidité d'objets sans forcément de grande valeur en soi, mais cette accumulation aussi chez les mineurs, par exemple? C'est une question fondamentale pour bien caractériser la singularité du 19e siècle, parce qu'il faut quand même rappeler que le grand siècle de la consommation de masse, c'est le 20e siècle. Donc de plus en plus, l'historiographie tend à faire remonter en amont la révolution de la consommation. On la date du 18e, elle commencera au 18e et se mettra en place au 19e et triompherait au 20e siècle. Au 19e siècle, il y a quand même des différenciations sociales extrêmement fortes, c'est évident. Alors après, même il faudrait distinguer plusieurs 19e siècle, puisque entre la belle époque, disons fin 19e, début 20e et la première moitié du 19e siècle, les situations sont très fortes. Considérablement différentes, puisque à la fin du 19e siècle, il y a évidemment là des logiques d'industrialisation, de production de masse sont déjà mises en place. Il y a indéniablement une augmentation. Il y a un mouvement qui s'achève. Il y a un mouvement qui se continue plutôt et qui tend à se démocratiser. Et une partie des classes populaires françaises, mais ça dépend ce qu'on appelle classe populaire française. Alors si on parle des mineurs spécifiquement, ou des ouvriers du textile, ou des artisans urbains, ou toute une série de groupes, qui accèdent à des premières formes de consommation. Et Manuel en parlera mieux que moi, mais il y a des formes de production de masse qui se mettent en place dans l'industrie textile, notamment, c'est le plus spectaculaire, et la démocratisation des vêtements qui auparavant appartenaient uniquement aux classes supérieures devient une réalité au 19e siècle. Les femmes s'habillent de coton, etc., alors que c'était une pratique aristocratique au 18e. En revanche, évidemment, il y a de très fortes distinctions, et une grande partie des classes populaires reste à l'écart de ces dynamiques de consommation. Mais la question de savoir posséder un objet, quel est le rapport aux objets des classes populaires? Je veux dire, il y a un trou dans l'historiographie considérable, parce que ces classes populaires parlent beaucoup moins, donc on a beaucoup travaillé sur les budgets, le plaisir, pour essayer de reconstituer ce rapport aux objets, plaisir, ce rapport à la consommation. C'est le travail de toute l'école leplésienne de Frédéric Lepée sur les enquêtes ouvrières. Et sur les budgets notamment, qui donnent des éléments assez précis sur, par exemple, les pratiques de recyclage ou les pratiques de comment on recoue ses chaussettes pour les garder le plus longtemps possible. Donc il y a des choses à faire et il faudrait creuser encore cette question des pratiques de consommation populaire qui restent assez mal connues en fait, à mon avis, parce qu'il y a un manque de sources, parce qu'il y a un manque d'intérêt. Et puis peut-être il y a un manque de collection parce qu'on a une transmission comme ça des patrimoines bourgeois dans lesquels on peut repérer très vite quels objets viennent de quel moment et par qui ils ont été transmis et faire des listes. On a des listes d'ailleurs, au moment des décès, etc. Mais ce qu'on n'a pas pour ces classes sociales. Il y a des inventaires après décès aussi, hein. Mais Emmanuel en parlera mieux. Emmanuel Charpie et puis Martha Carayon. Alors, on a des inventaires après décès, mais ça, les inventaires ne donnent pas la pratique, le rapport à l'objet, les usages quotidiens, etc. Ce que vous disiez, Anaïs Quien, est vrai, c'est aussi qu'on jette ces objets. Et que les musées, notamment en France, sont vides quasiment de tous ces objets populaires qu'on pourrait trouver et qui pourraient nous aider concrètement à documenter des pratiques sociales. J'ajoute juste, c'est aussi quand même le moment, après 1880, on va dire, où les matières nouvelles entrent dans la consommation, y compris populaire. Je pense à des choses comme la soie artificielle, voilà, qui sont un peu emblématiques, qu'on appelait la soie belle-mère, parce que c'était très longtemps très inflammable. Mais, en tout cas, c'est les soyeux lyonnais qui disaient ça. Mais en tout cas, voilà, on a des matières nouvelles qui rentrent dans la consommation sous forme d'imitation de matières plus nobles. Donc il y a aussi toute cette circulation sociale-là, des jeux d'imitation sociale et de distinctions qui ne sont pas toujours dans le sens où on croit. On jette, mais Martha Carayon, un des passages les plus intéressants de ce que j'ai lu de vos articles sur ces questions justement des objets dans la littérature du 19e siècle, c'est que vous faites le parallèle, et j'y avais jamais pensé personnellement, entre une discipline qui naît au 19e siècle, à savoir la paléontologie. Vous faites le parallèle avec une autre discipline qui naît au 19e siècle, qui est l'archéologie. Et vous dites, tout compte fait, le 19e siècle, c'est aussi la naissance du tesson. C'est la naissance de l'omoplate retrouvé dans une fouille archéologique et qui, à partir duquel on va reconstituer, cette omoplate de laquelle on va reconstituer l'animal entier auquel il appartenait, elle appartenait. Et vous dites, tout compte fait, il y a un lien entre le rebut, entre le déchet, entre ce qui est jeté et qui finit par donner du sens, devenir un objet de sens pour les contemporains du 19e siècle et pour même les scientifiques du 19e siècle, Martha Carayon. Oui, ça c'est un point important, c'est-à-dire qu'on valorise surtout en littérature tous les objets qui peuvent faire trace, c'est-à-dire qui peuvent devenir des signes indiciels, c'est-à-dire remonter à l'origine et reconstruire en fait une histoire disparue, que ça soit une histoire intime ou une histoire collective. Il y a un passage extrêmement intéressant chez Hugo dans Les Égouts de Paris. Formidable. Dans Les Misérables. Il fait l'historique des égouts de Paris. Et à un moment donné, il raconte un certain nombre de découvertes, dont la découverte du linceul de Marat. Il reconstruit tout ça et il dit c'est dans les égouts, c'est dans ce type de traces qu'on trouve la vérité. Et c'est qu'à partir de là, on peut reconstruire un monde et accéder à ce monde qui ne sera pas menteur. Et cette question du déchet est capitale dans le sens où elle s'articule aussi au niveau privé, dans l'espace intime, autour des objets de deuil. Emmanuel a beaucoup travaillé là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces objets qui sont des objets tresses, qui n'ont aucune valeur marchande, du coup, ils n'apparaissent dans aucune archive. Objets de deuil? C'est les objets qui appartiennent à la personne décédée, c'est quoi? Alors, ce sont des objets qui appartiennent à la personne décédée et dont on décide qu'il s'agit d'objets affectifs particulièrement forts. Être des mèches de cheveux, des chevelures gardées sous écrin, des tableaux en cheveux, etc. Anaïs Kien. Mais justement, qu'est-ce que ça nous raconte, ça, de ce moment? Alors, réduire le 19e siècle à un moment, évidemment, ça ne fonctionne pas, mais ce moment où, à la fois, on porte un nouveau regard sur le déchet, sur la pourriture, sur les morceaux de cadavres, d'une certaine façon, et sur l'objet extrêmement neuf, la sublimation du progrès à travers l'objet. On a l'impression que c'est un moment quand même assez inédit dans cette cohabitation entre ce goût pour l'ancien et la dégénérescence, et l'extrême nouveauté et le high-tech, finalement, du 19e siècle. François Jarige. Oui, je crois que c'est l'une des tensions constitutives de l'identité du 19e siècle. S'il devait y en avoir une, ça serait ça, quoi. Cette ambivalence permanente entre la volonté de garder la trace de ce qui est en train de disparaître et en même temps la fascination pour ce qui est en train d'émerger de neuf. Et en permanence, dans plein de domaines, il y a cette tension-là. Mais juste un mot sur le recyclage et la question des déchets, qui est quand même une question fondamentale. Puisque, en gros, le 19e siècle, c'est le moment de passage d'une société organique fondée sur de fortes contraintes en termes de ressources et d'énergie, et donc on ne jette rien. Tout se recycle, tout doit être conservé au maximum, il faut augmenter la valeur d'usage des objets. Et c'est comme ça que fonctionnaient toutes les sociétés avant le 19e siècle. Mmh. À une société qui repose au contraire sur l'obsolescence croissante et de plus en plus rapide des objets. Mais qui ne s'appelle pas encore l'obsolescence programmée. Qui ne s'appelle pas encore l'obsolescence programmée, mais dont on voit déjà se mettre en place les prémices de cette obsolescence programmée qui va s'imposer dans l'entre-deux-guerres, en gros aux États-Unis. Et donc, or, le 19e siècle, il y a un très beau livre d'une historienne géographe qui s'appelle Sabine Barle, sur l'invention des déchets urbains au 19e siècle, où elle montre que le 19e siècle est le moment de ce qu'on appelle la rupture métabolique. C'est-à-dire que les flux de matière, en gros, étaient circulaires, c'est-à-dire qu'on réutilisait au maximum, et on va rompre ces flux de matière au profit de l'invention du déchet. Donc le déchet, d'une certaine manière, est une invention du 19e siècle. Si on considère le déchet comme une sorte de matière ultime dont on ne sait plus quoi faire et qui va être jetée, le 19e siècle invente massivement le déchet parce que précisément, grâce aux conditions de production, grâce aux conditions de transport nouvelles, on peut faire venir de très loin des matières, des produits à meilleur coût, et donc ça devient possible, envisageable de jeter. Ce qui était beaucoup plus difficile dans les sociétés antérieures. Oui, donc une sorte de couple infernal, le déchet d'un côté et l'artefact industriel, l'industrie, l'objet de l'industrie de l'autre côté, Manuel Charpie. Oui, une des nouveautés à ce moment-là qui fait que, d'ailleurs, on évalue, c'est approximatif, mais un triplement des déchets par habitant en France entre 1880 et 1900, c'est aussi l'explosion de l'emballage, et qui est intéressant à mon avis à double titre, puisque c'est l'emballage va consister à donner une image, une forme, un discours, à coller un discours à des objets industriels qu'on ne connaît pas. Je pense le tapioca, par exemple, une nouvelle matière comme ça qui arrive au milieu du 19e siècle. Et on doit donc fabriquer une image, un emballage. Ce sera pareil, je sais pas, avec l'extrait de viande de Liebig, enfin tous ces produits très industriels à qui il faut donner un imaginaire, une forme, le cube magie, voilà. D'ailleurs, on le vend comme un cube, ce qui est assez intéressant sur le plan industriel. Et tout ça produit un nouveau truc qui est l'emballage fait pour être jeté, détruit, enfin qui est vraiment aussi un espèce de déchet comme ça. Et pour revenir à ce que disait François Jarige tout à l'heure, en même temps, on voit que les emballages, par exemple, rentrent dans les intérieurs populaires, sont découpés, c'est des images qu'on peut garder, que les enfants vont collectionner, enfin... c'est aussi des choses qui circulent à nouveau dans la société. Oui, l'emballage de boîte à chocolat va finir parfois accroché dans un cadre au mur des décors. Martha Carayonne, sur ces questions justement d'ambiguïté ou d'ambivalence, pourrait-on dire, entre une modernité technique et puis aussi ce que vous disiez, effectivement, l'invention des déchets. Je pense que l'ambivalence tourne autour de la question de la singularité, en fait, et de l'opposition entre l'unique et le reproductible, le sériel et le singulier. En littérature, ce qui va se passer, c'est que d'une part, ces objets temps, ces objets mémoire vont être valorisés justement parce qu'ils permettent de sortir du reproductible pour accéder à une histoire intime qui, elle, sera unique. Et d'autre part, pour ce qui est de l'objet industriel, mais là, je me réfère notamment aux machines, c'est un potentiel d'invention et de création en fait d'objets nouveaux. Vous dites qu'il y a 22 000 produits exposés à l'exposition universelle de 1855. C'est ce que relèvent les catalogues. Alors sur ces 22 000, il y a des objets qui sont toujours les nôtres. Il y a la machine à coudre par exemple, le dentier, le séchoir à sécher les cocons, l'ascenseur qui viendra un peu plus tard, la machine à écrire, etc. etc. Donc voilà, il y a toute une série d'objets qui existent pour la première fois à ce moment-là, mais pour les artistes et pour les littéraires, c'est une source de concurrence phénoménale, parce que ça a un potentiel d'inventivité et de créativité qui vient empiéter, en fait, sur leurs prérogatives. Et du coup, ça va devenir aussi un matériau de prospection thématique et formelle pour la littérature qui, à partir de Zola, Jules Verne et ensuite au XXe siècle, va exploser. Anaïs Kia. Et puis, on protège cette accumulation d'objets, ce décor modifié au fil du siècle, cet intime qui est envahi. On a vraiment la sensation que ces décors bourgeois ou semi-bourgeois sont envahis par les objets. On imagine ces personnages totalement croulant sous les livres et sous les objets de toutes sortes. Et c'est aussi Manuel Charpie, un moment d'ailleurs, où on protège les appartements. C'est-à-dire qu'on invente les premières alarmes contre les voleurs. Oui, oui, il y a l'idée de défendre ses biens, et c'est pas tant d'ailleurs souvent la richesse des biens qui motive ça, mais c'est ce que disait Martha Carayonne, c'est tout l'attachement affectif. Et d'ailleurs, on trouve dès le milieu du 19e siècle tout un tas de publicités de gens comme Fichet qui fabriquent des alarmes, disant en gros défendez vos souvenirs, quoi. En gros, c'est l'expérience d'accumulation qu'il faut protéger. Voilà, c'est les récits que portent les objets. C'est soi que l'on met dans son propre décor. Le décor est censé porter son histoire, et donc il faut le protéger. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que l'espèce de conflit en 1855 entre l'art et l'industrie, l'art d'un côté et l'industrie de l'autre, mis en récit par les Goncourt, etc. Dans les faits, art et industrie se mêlent assez bien. C'est-à-dire qu'on est quand même à un moment où on produit en série des Vénus de Milo de toutes les tailles. On est quand même, voilà, et dans toutes les matières, enfin, en carton, pierre, en caoutchouc, en voilà. Même le pape permet qu'on utilise de l'aluminium, donc. Mais voilà, en bois dur, enfin, il y a tout un tas de recyclage. On met du sang. Du sang des abattoirs mélangé à de la sciure pour mouler des Vénus de Milo, par exemple. Donc, c'est un tas de matières comme ça. La cellulose est un fantasme très important dans le second 19e siècle sur sa possibilité de prendre toutes les formes et toutes les teintes, etc. Mais c'est pour dire qu'en tout cas, dans les faits, dans le commerce, le art et industrie se croisent assez bien. Oui, François Jarige. Ça, c'est un point fondamental. Enfin, c'est évident qu'au XIXe siècle, l'industrie va aussi se légitimer en calquant l'art, en fait. Et l'art devient un instrument commercial. Là encore, je reviens, pour construire des marchés, susciter du désir, provoquer l'acte d'achat dans une société où, justement, les références restent pas celles de la modernité. C'est seulement après 45 qu'une sorte d'esthétique complètement futuriste et détachée de forme de tradition pourra s'imposer. Mais j'avais un exemple que j'aime bien sur la question du recyclage. C'est, vous savez que jusque dans les années 80, en gros, toutes les coquilles d'huîtres qui étaient consommées à Paris étaient utilisées, broyées et utilisées comme engrais pour la culture périurbaine. À partir des années 80, les coquilles d'huîtres vont être jetées, vont devenir des déchets. Une coquille d'huître jusqu'en 1880 n'est pas un déchet. C'est un une matière qui peut faire l'objet de plusieurs vies successives. À partir de 1880, ça devient un déchet dont on ne sait plus quoi faire et qu'on va acheter parce qu'on importe massivement des nouveaux engrais, le guano d'Amérique latine, grâce au transport maritime. Oui. Est-ce qu'il y a un caractère national, Manuel Charpie, peut-être au rapport que les Français entretiennent avec cette histoire matérielle? On a la sensation que ça reste quand même quelque chose d'un peu pudique. Il y a assez peu d'ailleurs d'historiens qui se réclament de l'histoire matérielle. Lorsqu'on traverse la frontière du côté de l'Allemagne, on a un musée des objets, on peut adopter d'ailleurs un objet dans le musée. Il y a quelque chose de l'ordre de la fierté de cette alliance entre l'artisanat et l'industrie et le génie humain qui ne persiste pas lorsqu'on retourne en France, lorsqu'on revient sur ses pas. Pour répondre trop brièvement, peut-être qu'en France, la césure entre histoire et histoire de l'art a cet effet-là. Oui. Martha Carayon, tout à l'heure, François Jarry, je disais effectivement l'alliance de l'art et d'industrie. Vous le trouvez dans un texte final, un des derniers textes, dites-vous, de Zola, qui s'appelle Travail. Et vous dites, dans ce texte-là, il décrit une société idéale qui serait l'alliance, justement, des sciences, de l'industrie et de l'art. Oui, Travail de Zola, donc, qui clôt le siècle et l'histoire, en fait, de la collaboration entre un ingénieur génial, un scientifique génial et puis un artisan artiste qui crée une ville idéale où tout est à la fois merveilleusement construit socialement et en même temps esthétiquement parfait. Merci Martha Carayon, et je garderai en tête cet extrait des Misérables dont je ne me souvenais plus, cité dans vos articles de Victor Hugo. Donc, un égout est cynique, il dit tout, cette sincérité de l'immondice nous plaît et repose l'âme. Voilà, précisons que l'on peut retrouver, bien entendu, vos articles, Emmanuel Charpie, et également François Jarige, dans l'histoire du monde au XIXe siècle, qui vient de sortir chez Fayard, mais aussi le livre que vous avez écrit, François Jarige, avec Thomas Leroux, qui sort tout juste au seuil. Il est tout chaud, il s'appelle « Les contaminations du monde ». Vous reviendrez sûrement en parler à la Fabrique d'ici peu de temps. Martha Carayon, on peut lire effectivement sur la querelle de 1855, « Les philosophes de la vapeur et les allumettes chimiques » chez Drou. C'est une citation tirée de Baudelaire en particulier. Emmanuel Charpie, eh bien, on peut vous retrouver aussi dans d'autres. Il y a un feuilleton ici. c'est feuilleton. Quand est-ce que vous allez publier votre travail? Ça arrive bientôt. Et comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet, Francesca Fossati, Jean-Frédéric, c'était à la technique, et Anne Fleury à la réalisation.